بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons notre résumé du livre Fiqh al-Ad'iya wal-Azkar, chapitre 58. Min fadail al-du'a. Parmi les bienfaits de la vocation. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال ابن كثير إسناده لبس به. وقال الألباني حديث حسن. Donc parmi ceux qui prouvent les bienfaits et les vertus de la dua, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Allah sera en colère contre lui. Naam. Donc cela est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui l'invoque. Et Allah subhanahu wa ta'ala quoi ? Se met en colère contre celui qui ne l'invoque pas et qui délaisse l'invocation. Donc cela est une preuve que l'invocation en vérité fait partie des et même en réalité l'obligation la plus importante. En vérité l'obligation la plus importante. Car si Allah s'énerve contre celui qui ne l'invoque pas, c'est une preuve que c'est une obligation l'invocation. Elle reste obligatoire. Et Allah dit, donc nous revenons toujours au verset de base qui est وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الدَّاخِلِينَ. Et Allah ici a mentionné que le délaissement de la vocation, c'est de l'orgueil. Donc si celui qui n'invoque pas est orgueilleux, ça c'est une preuve que la vocation est obligatoire. Naam. Parce que ne pas le faire, c'est de l'orgueil. Naam. De l'orgueil de faire quoi ? De faire en vérité quelque chose qui est obligatoire. Qui est en réalité obligatoire. Et aussi, l'imam al-Bukhari rapporte dans Al-Adab al-Mufrad, ainsi qu'Ibn Hibban, et il est authentique, ou Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ajazun nasi man ajaza ou man ajiza ani du'a » وأبخل الناس من بخل بالسلام وحسنه الألباني. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abu Huraira, la personne la plus incapable, c'est celle qui a été incapable d'invoquer, et la personne la plus avare, c'est celle qui est le plus avare, ou c'est celle qui ne salue pas. C'est la personne qui ne salue pas les personnes. Alors qu'en réalité, la vocation est facile pour tout le monde. Ça ne demande pas énormément d'efforts. Et lorsque la personne invoque, elle ne va pas se sentir fatiguée. Elle ne va pas en vérité sentir de gêne lorsqu'elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le fait d'être incapable d'adorer ou d'invoquer, naam, ça fait partie des incapacités les plus graves. Car même ce qui est facile, tu en es incapable. Donc tu es vraiment un incapable, un grand incapable. Naam. Parce qu'en réalité, c'est super facile. Si en réalité, c'est facile. Mais bien sûr, tawfiq min Allah. Il est clair que tawfiq min Allah. Même si certains d'entre nous se diraient, c'est vrai que j'invoque pas assez. Car n'oublie pas que la réussite, elle est bien sûr entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yaruddu al-qadra illa ad-du'a. Et c'est un hadith aussi qui est rapporté par l'imam Ahmed et hassanahu al-albani rahmahullah. Hassanahu al-albani rahmahullah. Et le hadith qui est auparavant, j'avais dit hassanahu al-albani, en vérité non, sahahahu al-albani, le hadith auparavant, ajazun nas man ajiza ani ad-du'a, il est en vérité authentifié par l'Albani aussi. Mais c'est celui-ci qui est en réalité donc considéré comme bon chez l'Albani, rahmallah. Donc, ne rejette pas le destin que la vocation, et naam. C'est que c'est une preuve comme quoi Allah repousse hein, ce qu'il aurait même décrété à une personne. Hein, le mal par exemple, qui aurait été décrété à une personne par la vocation. Par la vocation, naam. Car, bien sûr, en vérité, la dua elle-même, elle fait partie du qadar d'Allah. Allah, il a, bien sûr, il sait qu'il allait descendre de ce mal. Et il sait aussi, bien sûr, que toi, tu allais le repousser, ce mal. Naam, par cette dua. Et ça, en vérité, ça nous pousse et ça nous donne envie d'invoquer énormément afin de pouvoir, en vérité, rejeter et de repousser ce qui est mal. Et on sait bien aussi que la vocation, c'est parmi les meilleures causes de ce que l'on peut acquérir comme bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Contrairement à certains soufis qui considèrent que la vocation n'a pas d'impact dans le fait d'acquérir quelque chose qui est demandé ou dans le fait de repousser quelque chose qui est détestable, mais eux, ils voient et considèrent que c'est tout simplement une adoration brute. C'est simplement une adoration qui est tout simplement brute, un point c'est tout. Alors qu'en vérité, donc, eux ils voient que ce que l'on reçoit, c'est pas par les doigts, hein, que ce ne c'est pas par les doigts, naam. Et bien sûr, celui qui connaît réellement la place de la doua, de la vocation, ne dirait jamais ça. Ibn al-Qayyim dit, rahmallah, les bases de chaque bien, c'est que tu connaisses et que tu saches que ce que Allah veut sera et ce qu'Allah ne veut pas ne sera pas. Donc sois sûr et certain en ce moment-là que les hasanat, c'est parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les bienfaits que tu fais, les adorations que tu fais, tous les bienfaits que tu fais, sache que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une force de ta part. C'est pas une intelligence de ta part. Mais c'est en réalité une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il t'est demandé obligatoirement de le remercier, de lui être reconnaissant et de t'être en vérité recueilli envers Allah subhanahu wa ta'ala. Afin qu'il ne te coupe pas, qu'il ne t'enlève pas cette ni'ma. Et vous savez bien que le secret de la continuité de la dua, c'est en réalité le shukr, c'est en réalité donc le remerciement. Et les péchés, les mauvaises actions, ça fait partie en vérité de quoi? De l'avilissement d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son châtiment. Le châtiment d'Allah fait qu'on commet des péchés. Donc, ces péchés, en vérité, vont se placer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont se placer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne délaisse pas, dans tous les moments de ta vie, le fait de faire du bien, de faire énormément de bien. Et délaisse ce qui est mal. Et délaisse ce qui est mal. Et chaque personne qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala sait que tout bien, c'est un tawfiq, c'est une réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout mal a comme origine donc l'avilissement envers son serviteur. Non. Et tawfiq, hein, c'est que Allah ne te laisse pas. C'est ça le tawfiq min Allah. Le tawfiq, c'est qu'Allah ne te laisse pas, ne serait-ce que le clignement d'un œil. Mais cet avilissement, c'est qu'il y a entre toi et Allah ses péchés. Donc Allah t'a laissé. Il te laisse entre toi et tes péchés. Naam. Mais le tawfiq, rien ne sera entre toi et Allah. Et la clé, la véritable clé de cette réussite, c'est justement l'adoration. L'invocation, le fait d'être, de se sentir pauvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, démuni, et de, en toute vérité, en toute sincérité, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir un désir ardent, d'avoir une crainte, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la personne, le serviteur, a reçu cette clé, donc il veut qu'on lui ouvre la porte, Il veut qu'en vérité que cette clé puisse avoir donc comme objectif de la porte ouverte vers le bien. Et lorsque la personne a perdu cette clé, bien sûr, il sait très bien qu'il ne peut rien faire. La porte du bien ne lui sera pas ouverte. Non. Et il n'a pas eu cela que parce qu'il a délaissé le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a oublié qu'il était pauvre et qu'il était démuni face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a oublié l'invocation. Non. Et cela, bien sûr, on n'aura pas donc cette réussite et cette tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala que par le remerciement, la sincérité, la véracité et le fait de se sentir démuni, pauvre et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est de façon générale ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Un musulman donc a besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et c'est même en vérité une darura. C'est en vérité un besoin impératif. Dans tous les moments de sa vie, il a tout le temps besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il va invoquer Allah, c'est-à-dire plus en vérité il sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmed rapporte dans son livre Al-Zuhd de Qatada qui dit Qala al-Mu'arrik, al-Mu'arrik, rahimahullah, ma wajadtu lil-mu'minina. مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه dans Kitab al-Zuhd de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed rapporte de Qatada et Mouarik a dit donc, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer le croyant, pour pouvoir en vérité décrire le croyant, c'est l'exemple d'un homme qui est dans la mer sur du bois, qui est donc dans cette mer sur du bois, et il invoque « oh mon Seigneur » en espérant qu'Allah va le sauver. Donc il veut dire que le croyant, la seule chose qu'il doit faire en fait, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il soit sauvé. Naam. Et celui bien sûr qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala avec véracité et qui invoque abondamment et qui demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va aimer cette adoration. Allah va l'aimer et il va aimer ce qu'il fait. Il va lui donner, il va concrétiser ce qu'il espère. Il va lui donner ce qu'il a demandé et il va lui ouvrir toutes les portes du bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.